C'est ça? maintenant, chaque fois que je cherchais des paroles, ça met une publicité Bing direct. Un encre de mes souvenirs. Georgia, elle est partie. Tu peux voir ça? Ça fait plaisir, hein. Je vais copier. Je vais regarder ça là. Putain, j'ai perdu les accords.